Chapitre 8. La déchéance. Pendant que les scènes que nous venons d'esquisser se déroulent dans les rues, sur les places publiques, dans les appartements, les cours et les jardins des Tuileries, l'Assemblée législative est de plus en plus terrifiée par les dangers d'une situation qui était pourtant le fruit de ses lâches incertitudes ou de ses complaisances criminelles. Elle se sent impuissante à dominer les événements. Chaque minute lui enlève quelques lambeaux de son pouvoir. Réduite à une minorité dérisoire, elle se voit bientôt contrainte d'abdiquer entre les mains de l'émeute. Le président de la commune insurrectionnelle, Huguenin, paraît à sa barre, non pour recevoir des ordres, mais pour dicter insolemment des volontés. Les représentants sanctionnent son usurpation et celle de ses dignes acolytes. C'était s'avilir avant de se suicider. L'hôtel de ville ne tarda pas à devenir le véritable siège du pouvoir et à prendre la tête du mouvement. Alors on vit paraître au grand jour et se diriger vers la résidence de la commune tous ceux qui s'étaient prudemment tenus à l'écart pendant la lutte, Robespierre, Tallien, Danton, Marat, Collot d'Herbois, Billaud-Varenne, Camille Desmoulins, Fréron, Fabre d'Églantine, etc. Accueillis dans le conseil de la commune, ils le transformèrent en conseil de gouvernement, s'imposèrent par lui à Paris et à la France, préparèrent les massacres de septembre, les élections à la Convention nationale, le régime de la terreur, et assurèrent pour un temps la domination du jacobinisme. La Gironde avait voulu et préparé la journée du 10 août, non bien qu'elle fût déjà travaillée par des idées républicaines, pour renverser la monarchie, mais pour l'exploiter. Elle se sentit dépassée quand elle vit tomber la couronne du front de Louis XVI. Peut-être eut-elle dès lors l'intuition de ses propres désastres. Ce qui est certain, c'est qu'elle s'efforça d'enrayer le mouvement et de faire proclamer sous sa tutelle la monarchie d'un enfant. Vergniaud vint, au nom de la commission extraordinaire, présenter à l'Assemblée un projet de décret proposant la formation d'une convention nationale, la suspension provisoire du chef du pouvoir exécutif, la nomination d'un gouverneur au prince royal, l'installation du roi et de sa famille au Luxembourg, sous la garde des citoyens et de la loi, etc. Ce décret laissait une porte ouverte à la monarchie. Il annonçait même qu'un gouverneur serait donné au fils de Louis XVI. Les Girondins destinaient, dit-on, cet emploi à l'avocat Pétion. Mais la commune, qui devait exécuter cette partie du décret, avait un autre candidat. Elle réservait au royal enfant le cordonnier Simon. Les propositions de Vergniaud furent froidement reçues des tribunes et des pétitionnaires. En 24 heures, les événements avaient marché avec une telle rapidité que la suspension du pouvoir exécutif ne répondait déjà plus aux exigences des hommes qu'ils l'eussent accueilli la veille comme un triomphe inespéré. L'Assemblée fit cependant ce que lui demandait sa commission extraordinaire. Puis, sous l'impression de la terreur et l'impulsion de la commune, elle prit ou sanctionna une foule de mesures empreintes du plus pur esprit de la Révolution. Visite domiciliaire chez les gens suspects, envoi aux généraux de commissaires avec pouvoir de les suspendre, légalisation des décrets frappés du veto royal, rappel de soldes et distribution de secours aux Marseillais, destitution des juges de paix, arrestation des derniers ministres de Louis XVI, etc., etc. Elle procéda aussi à la nomination des membres du nouveau ministère. Roland, Clavière et Servan furent réintégrés par acclamation dans leurs anciennes fonctions. Monge eut la marine, Lebrun les affaires étrangères. Le ministère de la Justice échut à Danton. Danton au pouvoir, c'était la commune insurrectionnelle, maîtresse de la situation. Danton, c'était la révolution triomphante. C'était l'audace, la scélératesse, la frénésie furieuse, le vol, l'assassinat, la licence, tous les genres de crimes introduits dans la politique et préconisés comme moyen de gouvernement.